T'es dans le champ de visu, la balle va pas te rater. J'ai jamais gratté de fit, jamais dit s'il te plaît. J'donne rendez-vous minuit dans la tour, j'paye la journée. 3h du mat, j'ai visé les tibias péronnés. Vengeance froide hivernale, j'ai sorti le canon scié. Me suivra-t-elle en cavale ou bien devrais-je l'oublier? Audition au PJ, t'as tout dit, j'ai tout nié. Voiture allemande, j'ai chargé, passé les Pyrénées. J'pourrais leur faire du mal. Jamais gratté de fit, jamais dit s'il te plaît. J'donne rendez-vous minuit dans la tour, j'paye la journée. 3h du mat, j'ai visé les tibias péronnés. Kilo de BRCC, RSQ5 féfé. Moulin feuille au CB, parle avec Cécile. Kilo de BRCC, RSQ5 féfé. Moulin feuille au CB, parle avec Cécile. Kilo de BRCC, RSQ5 féfé. Moulin feuille au CB. Parle avec Cécile, kilo de RCC, RSQ5 féfé, moulin feuille au CB. Parle avec Cécile. Absent en cas de sécheresse, mais sont présents quand y'a du blé. Dis-moi qui fait le malin, dis-moi qui se fera duper. Champagne 40 degrés, jacuzzi, j'me laisse aller. Le rap ça dure qu'un temps, j'ai pas tes jeux le PGP. J'ai récupéré platiné en une année. J'ai troqué ma paire de Nike avec des Giuseppe. Ils ont négligé, j'ai dû casser deux ou trois nez. J'm'en remets qu'à lui, j'ai besoin d'une pour me protéger. J'suis toujours dans le noir. Jamais gratté de fit, jamais dit s'il te plaît. J'donne rendez-vous minuit dans la tour, j'paye la journée. 3h du mat, j'ai visé les tibias péronnés. Kilo de BRCC, RSQ5 féfé. Moulin feuille au CB, parle avec Cécile. Kilo de BRCC, RSQ5 féfé. Moulin feuille au CB, parle avec Cécile. Kilo de BRCC, RSQ5 féfé. Moulin feuille au CB. Parle avec Cécile, kilo de RCC, RSQ5 féfé, moulin feuille au CB, parle avec Cécile.